11, 10, observation, présent duratif, depuis. Il y a longtemps que vous êtes à Paris? Il y a 24 heures. Ça fait longtemps que vous êtes à Paris? Ça fait 24 heures. Vous êtes à Paris depuis longtemps? Depuis 24 heures. Il y a 24 heures que Robert est à Paris. Ça fait 24 heures que Robert est à Paris. Robert est à Paris depuis 24 heures. Notez que « il y a que » et « ça fait que » sont utilisés avec une indication de temps, de durée. 24 heures, 2 jours, 1 semaine, 2 mois, 1 an. « Depuis » est utilisé avec une indication de temps, de durée, mais aussi avec l'indication d'un point dans le temps. Hier, avant-hier, le 29 mai, le mois d'avril, le printemps, l'année dernière, 1882, etc. Robert est à Paris depuis 24 heures. Robert est à Paris depuis un mois. Robert est à Paris depuis hier. Robert est à Paris depuis le 29 mai.